attention, please. The activation of alarm sounders and ventilation fans was caused by a false alarm. We apologize for any inconvenience. Ladies and gentlemen, your attention, please. The activation of alarm sounders and ventilation fans was caused by a false alarm. We apologize for any inconvenience. Ça y est, enfin, hein. Ça fait un bon bout de temps qu'on volait, donc là, je suis bien collé. On est où, Lisa? On est à Bakersfield. Ouais. D'accord, bah c'est cool. Donc c'est là où il fallait qu'on aille. D'accord, ouais, très bien. Bah, parfait, parce que c'est là où on devait aller. Salutations, Octavio. Putain d'échappement. Faudra vraiment que tu me rachètes une pièce, hein, pour cette partie du vaisseau. Ouais, non, c'est clair. Qu'est-ce qu'il dit, Lloyd? Je sais pas, il vient de nous dire bonjour, j'imagine. Salutations. Suivez-moi, s'il vous plaît. Le suivre? Mais où ça? Je sais pas, ça ressemble à un droïde de service. Peut-être qu'il est là, tu vois, juste pour nous conduire vers son chef. Parce qu'on a quand même une maison livrée, hein, avant qu'on puisse prendre quelques jours de vacances. D'ailleurs, oui, à ce propos, comment tu vois la chose? Parce que je pense qu'il va pas apprécier ce qui s'est passé. Cargaison incomplète. Demande d'informations supplémentaires. C'est quoi cette histoire là? C'est quoi la cargaison là? T'es pas au courant? T'as pas remarqué qu'il y avait quelques fuites du fait que le minerai de glace sous la chaleur, ça fond? Ah ouais, c'est ça qui est en train de goûter là. Ouais. Vaisseau. Ouais, ça poisse ton vaisseau. Ouais. D'accord, ouais, donc ouais. Ouais, bon, c'est pas. Tu penses qu'il va bien le prendre? Je prends bien, là. La moitié, ça... Livraison incomplète. 1000 tonnes de minerai. 1000 tonnes de liquide H2O. Ah ouais, quand même, ouais, il nous manque la moitié. Hein. Conduis-nous vers ton chef, monsieur... boîte de conserve. Positif. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Attends, où c'est qu'il nous emmène? C'est pas une taverne, ça? Ah ouais, c'est quand même le bon bar, bien de chez soi, bien planqué. Un officier propre sur soi. C'est quoi cette musique de merde? Je crois qu'ils ont pas trop apprécié ta jolie petite blague, là. Vite, une répartie. Bon, les gars, c'est un fils qui mange père. Papa, c'est vrai que j'ai une grande bouche. Et le père qui répond. Mais non, prends ta pelle et mange ta soupe. Voilà, ça, tu vois, ça les fait sourire, ici. Mais c'est n'importe quoi! Mais t'es naze, quand même, sur tes vannes. De très mauvaise qualité. Veuillez me suivre. Je préfère passer derrière toi parce que j'aime pas trop la façon dont ils m'regardent, j'aimerais pas me faire prendre. T'es rapide à la besogne, dis donc, Lisa. Non, blague à part. Défaut de te prendre, je vais te payer un verre, tu vois. Donc ça va te déflexibiliser. Ça va te décontracter un petit peu. Tavernier, là. Oula, il est dégueu. Passons une bière pour la demoiselle, s'il te plaît. Une bière? Mais je veux pas boire de la bière. Je viens de mon cousin. Ouais, ta bière. Oula. Merci, monsieur. Enfin, monsieur. J'ai une cigarette dans ma bouche. Mais, merci. Ta voix. Allez, bonne bière, à la tienne. Ouais. Veuillez vous dépêcher. C'est dégueulasse comme boisson. La boisson que vous buvez est la boisson régionale. Faite à partir d'huile de moteur et de minerai. Elle permet de démarrer les vaisseaux spatiaux lors de grands froids. C'est... C'est un petit goût quand même de... Ouais. J'ai de vomi un peu, hein. Ouf. Allez. Arrête, c'est moi que tu vas faire vomir. Bon, écoute, ma petite Lisa, je te laisse trinquer avec ce gentil tavernier, hein. Coucou. Et moi, je vais discuter un petit peu de nos conditions de livraison avec le boss de Mr. Droid. À plus tard. D'accord. À plus tard. Allez, salut Wazori, moi c'est Balthazar. Je sais pas si tu nous attendais, mais on a ta cargaison de minerai de glace là dans notre vaisseau. Bonjour, ouais. Ah. En effet, je t'attends depuis deux plombes. Salutations humains, Balthazar, mon vaisseau, Nimbus, à votre disposition. Livraison numéro 2, 8, 7, 2, 3, 1, arrivé à destination. Ouais, donc voilà la livraison, machin truc, là. On accepte les crédits ou les chèques, hein, tu me dis ce que tu préfères. Attends. Droïd, t'as vu la cargaison? Négatif. Livraison incomplète. Moitié. Lost. Pardon? Moitié. Liquide. Livraison incomplète. Oh bah, ah tiens, voilà une bonne. Tout de suite. Non mais, écoute, c'est juste, effectivement, on a eu un petit problème de radiateur. Et, bah, en fait, la moitié de ta cargaison, elle est sous forme liquide. Ouais, c'est bon. Pardon? Ouais. Mais c'est quoi, c'est... Mais t'as pas un grand congélo ou un truc dans le genre, en fait, t'es, limite, tu le fous dedans, voilà, tu laisses 2-3 jours et puis c'est bon. Ouais, alors toi, je vais te congeler ta figure, déjà, on va commencer par ça. Et ensuite, je vais te foutre au congélo. Ouais, ta gueule, quoi. Ferme ta gueule, le robot, tu commences à me les gonfler. Tout à fait, pareil, moi je supporte pas, hein. Le gars, vraiment, faut que tu... non, mais je disais... Mais qu'est-ce que tu me fais, là? Attends, j'avais commandé quoi? Attends, je... 2000 tonnes de minerai de basse. Oui, bah écoute, je te propose un deal alors. Au lieu de la livrer maintenant de manière incomplète, je te propose plutôt que ma copilote et moi là-bas, là, c'est quand on s'y fait une petite bière, on se charge de la dernière livraison et on te le livre où tu veux, à la maison, et tu signes en bas pour dire que t'as bien reçu la livraison. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ça tourne! T'as encore abusé de la boisson? Faut dire avec celle-là, c'était pas dur. C'est bon! Écoute, moi, je te salut, présente toi. Ma copilote, Lisa. Ou plutôt Lisette, parce que là, elle a pas l'air de tenir trop le jus de chaussette, là. Boisson trop puissante pour l'organisme. Ouais, je crois aussi, ouais. Lisette, tu fais quoi, là? Ouh! Oh, Lisa, mon Dieu, c'est horrible, arrête! C'est va faire vomir! Intestin, femelle, en décomposition. Ouf! Oh, en plus, l'odeur qui accompagne, quoi. Oh là là! Je suis désolé, qu'est-ce qui me prend, là? Ouais, Lisa, là... C'est chaud! Bah, voilà. Un masque d'oxygène, pas pour toi, mais pour nous. Et tu vas nous attendre dans le vaisseau, s'il te plaît, et t'essayes de pas nous moisir les toilettes. Oiserie, donc qu'est-ce que t'en penses de notre offre? Ok, marché conclu, mais jamais plus d'affaires ensemble, d'accord? Ouais, non, mais tu verras, tu vas changer d'avis quand tu verras à quel point on a fait un travail pro et clean. M'en fous, maintenant vous emmenez la cargaison à Mekinar. Faut qu'elle arrive là-bas, comme elle est, c'est-à-dire les 1000 tonnes de minerai de glace entier, le liquide que vous pourrez récupérer à la limite, mais plus jamais vous venez ici. Ok, d'accord, bah, ça marche. Bah, vas-y, signe en bas là, hop, et nous on charge la livraison, c'est nickel. D'ailleurs, c'est où qu'il faut qu'on aille là? J'ai pas trop entendu parler de cette zone avant, c'est dangereux ou quoi? Mekinar, vous voyez, c'est à deux clics, vous tournez auprès de la planète qui est là-bas, là, enfin de la Lune. La Lune, la planète, je sais pas, en fait, l'espèce de machin rond qui se trouve en haut. Et puis, vous faites après trois clics, tout droit. Mekinar, planète, c'est Lune gazeuse. Allez Lisa, essaye de tenir debout, là. On est bientôt dans le vaisseau, et après on va dans un ravissant petit endroit, avec des autres petits gazouilles, Mekinar. C'est là où on doit faire la dernière livraison, ils ont accepté de faire un petit deal. Quoi? Mekinar? Tu te fous pas de la gueule du monde? Attention à la tête, allez, on entre dans le vaisseau. Oh! Aïe. Ah bah c'était sûr. Elle se prend. Putain, la tête. Ah, ça va faire une bosse, ça. Qu'est-ce que t'as dit, où on allait? Non, bah rien du tout, justement. Va t'asseoir au poste de pilotage, on va lancer le vaisseau. Ah non, attends, bouge pas, je reviens avant. D'accord. Et tu vas où? Je crois que je vais être malade. Ah ouais, je connais les faits. Ah la jeunesse. Bon, moi je me prépare, hein. J'essaierai de voler très droit pour toi. Sans moi? Putain, t'es un trou du cul, sérieux! Eh ben, la Lisette, là, fouf! Une petite goutte d'alcool, ça la transforme en une autre personne. Ouais, bon, allez, Ouais, j'en ai rien à foutre. Bon, c'est bien, tu vas la culer. Je viens de m'occuper du magasin. Mais c'est le système de Mekiner! Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Tu nous en es où? Oh mon dieu, mais passe-moi vite les commandes, vite! Tu sais pas manier ce machin, toi! Vas-y, mais pourtant, je vais prendre ça en bon endroit et tout. Ah, mais attends, je me souviens que la boîte de conserve de l'île sera peut-être un petit peu de danger. Un petit peu de danger? Mais tu te fous de la gueule du monde? Attends! Je vais partir en risque! C'est bon, j'ai vu pire, allez! Celui-ci, il était pas loin de nous toucher. On dirait attends, que tu attends, vas attends, quand même avec une petite d'alcool dans le sang. Si j'en ai plus tellement là, j'ai tout recraché tout à l'heure. C'est pour ça, je me disais aussi. Non mais bien joué, tu m'impressionnes là, hein, comment. C'est pas pour autant qu'on est sorti de la difficulté. Non, c'est sûr. Mais essaye de passer à travers ce petit champ d'astéroïdes là, ça devrait le faire. Où c'est qu'on doit aller se poser pour la cargaison? Ah ça ouais. M'aiderait quand même de savoir. D'ailleurs, je suis en astéroïde. Ah, d'accord. Tu vois la station là-bas qui est à moitié en feu? Je crois que c'est là qu'il faut qu'on le dépose. Mais tu rigoles? J'ai promis à Wasari, hein, après, voilà, quoi. Si ça explique. Mais on est payé ou pas, là? Ouais. Car celui-ci, il était esquivé. Un gros machin, trop fail. C'est quoi ce. C'était leur vaisseau là qui s'approchait du bout, ça ressemble à une grosse station spatiale qui vole. Ah bah de toute façon dans le champ d'astéroïdes on va pas pouvoir y pénétrer hein. Non, tant qu'on est bien. Dedans, on est tranquille. À part s'ils commencent à détruire les astéroïdes d'un par un, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Oh putain. Qu'est-ce qu'on fait? On largue tout ou qu'est-ce qu'on fait? Non, on garde la cargaison, t'es folle ou quoi? C'est notre assurance vie, hein, il faut qu'on la dépose dans cette station. Je croyais qu'on avait été payé. Mais on sera payé quand on aura fait signer, et puis voilà. Dans cette station, elle part en débris, elle est en feu, qu'est-ce que tu peux y faire? On peut même pas s'arrimer. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de signer. Après, si c'est un gars qui est au bord de l'agonie, qui met une petite croix, c'est bon pour moi, j'ai livré. Non, mais t'inquiète pas. Ok, tu sais. On va se stocker là, derrière le réacteur en feu, on va essayer de faire un petit trou avec un laser, et puis on se s'invitera rapidement au vaisseau. Sinon, j'ai une solution pour toi. Tu prends une combi spéciale et tu sors. Ouais, à la limite, mais bon, ça m'a l'air un petit peu risqué quand même dehors tout ça, non? Non, mais c'est vrai, ça rimait à une station spatiale en feu qui est pas vraiment gros, ça a aucun risque. En fait, c'est même un jeu d'enfant. Bon, ok, je vais tenter l'approche. Prépare les documents, prépare la cargaison. Parce que, à mon avis, quand on va être accroché. On va pas pouvoir traîner longtemps. Ça roule, je me prépare, je vais chercher la combinaison pour aller toquer à leur porte, parce que ça a pas l'air d'être bien ouvert en ce moment. Vas-y, je vais ouvrir la porte, tu me dis quand t'es prêt. Je suis prêt. Hey les gars, on a une livraison de minerais de glace, enfin une petite livraison. On voulait savoir s'il y a moyen de... Oh il y a moyen de déposer ça dans un coin... On se barre, quoi. On peut pas vous déranger plus longtemps, vous avez l'air occupé. Laissez ça ici. Ah, super. Nous allons tout prendre. Ah, une boîte de conserve. Tiens, voilà. Alors, donc, là, t'as la moitié en liquide et la moitié en solide, et puis nous, bah, on part en gazeux. Ah, bon. Très bien. Nous avons été avertis de votre arrivée. Ouais, tout à fait. Écoute, tu diras à Wazari que t'es content, hein, tu signes en bas, là. Allez, hop, Voilà, très bien, merci. Et puis, bah, nous, on vous souhaite bon courage, hein, parce que ça a l'air sympa comme quoi, quand même. Mais on peut pas trop rester longtemps, donc... amusez-vous bien. Allez, à plus. Au revoir. Bon, bah, nickel, ils ont tout accepté, Lisa. On se part, enfin, on se part vite, parce que là, ça a l'air un petit peu chaud, quand même, comme ambiance. Et... Ok, je l'ai arrêté à l'heure. Et on est reparti. Ouais. Allez, c'est go, c'est go. Débris, donc peut-être qu'il y a moyen de... Je sais pas, de moyenner, quoi. Tu vois? Ah, je vois où tu veux en venir, ouais. Ah, d'accord. Attends, je vais essayer de me rapprocher. Ah, yes, je vais. Alors toi, hein, dès qu'il y a un bout de carcasse qui vole dans l'espace, tu peux pas t'empêcher. Il faut la reponner et la ramener. Eh, mais c'est comme ça qu'on gagne notre vie, ma petite. Tu sais, l'argent, ça pousse pas sur les arbres spatiaux, hein. Et puis bon, tu seras bien contente si j'arrive à trouver une petite cargaison de bière. J'ai vu le droïde, là, dans ses yeux, à mon avis, il y avait une petite caisse de croc qui l'attendait quelque part. Il y a moyen de choper de la bonne, à mon avis. Je vais t'avouer que, vu ce que ça m'a fait tout à l'heure, je vais éviter de reprendre, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais je parlais pas comme d'habitude. Effectivement, ouais, ça a un peu changé mon comportement, mais c'était rigolo, hein. Franchement, un copilote comme ça, c'est quand tu veux, hein. Copilote, attends, tu parles pour qui? C'est qui a les mains sur les manettes, là? C'est toi. Ouais. Ton copilote... C'est qui a l'idée d'aller harponner les restes, hein? Hein? Eh ben voilà. Ok, ouais, je comprends. En fait, je suis là que bon, je fais des corps, quoi. Mais hein? pas du tout, tu es là. Ah, mais je te connais, Balthazar. Piloter le vaisseau et me montrer à quel point tu fais preuve de d'obéissance. Ah ouais? Non, mais regarde, oh, regarde le joli minerai de glace, là. T'as vu? Eh, mais, ça se trouve, c'est le nôtre. Ah non, c'est bon. Plus jamais de minerai de glace. Plus jamais.